Marie d'Agreda, la cité mystique de Dieu, la fuite en Égypte. Chapitre 28. L'enfant Jésus parle à Saint Joseph un an après sa naissance. Sa très sainte mère se dispose à le chausser et à le faire marcher. Elle commence à célébrer les anniversaires de l'incarnation et de la nativité. Un jour que l'auguste Marie et son époux Joseph s'entretenaient des mystères du Seigneur, l'enfant Jésus, après avoir achevé sa première année, voulut rompre le silence et parler d'une voix distincte au très fidèle Joseph, qui faisait l'office de père soigneux, comme il avait parlé à sa divine mère dès le commencement, ainsi que je l'ai marqué au 10e chapitre de ce livre. Les deux saints époux parlaient donc et méditaient de l'être infini de Dieu, et de la bonté qu'il avait portée à un amour si excessif, que d'envoyer du ciel son Fils unique pour être le Maître et le Rédempteur des hommes, et de lui donner la forme humaine, afin qu'il conversât avec eux, et souffrit les peines que la nature dépravée avait méritées. Jean 3, 16. Isaïe 45, 4, Philippiens 2, 7, Baruch 3, 38, et dans ce pieux exercice, Saint Joseph admirait les œuvres du Seigneur, et redoublait les désirs qu'il avait de reconnaître et de louer son amour, lorsque tout à coup l'enfant Dieu qui était alors entre les bras de sa mère, s'en servant comme de sa première chair de docteur, s'adressa à son père putatif d'une voix intelligible, et lui dit « Mon père, je suis venu du ciel pour être la lumière du monde, pour le retirer des ténèbres du péché, pour chercher et connaître mes brebis comme un bon pasteur, pour leur donner la nourriture de la vie éternelle, pour leur enseigner le chemin qu'elles doivent suivre, et pour leur en ouvrir les portes, que leur péché tenait fermé, Jean divers endroits, Isaïe 10, 2, Psaume 23, 7. Je veux que vous soyez tous deux enfants de la lumière, puisque vous en êtes si proches. » Ces paroles de l'enfant Jésus, comme pleines de vie et d'efficace, versèrent dans le cœur du saint patriarche un nouvel amour, un respect et une joie indicibles. Il se mit avec une très grande humilité à genoux aux pieds de l'enfant Dieu, et lui rendit des actions de grâce de ce que la première parole qu'il lui eut fait entendre, était le nom de Père. Il pria avec beaucoup de larmes sa majesté de l'éclairer par sa divine lumière, et de le porter à accomplir ce qui lui serait le plus agréable, et à reconnaître tant de bienfaits incomparables qu'il avait reçus de sa main libérale. Les parents, qui aiment naturellement leurs enfants, éprouvent une grande consolation et se font un titre de gloire de découvrir en eux quelques présages qui annoncent qu'ils seront sages, ou remarquables par leurs vertus, et quoiqu'ils ne le soient pas encore, cet amour naturel engage ordinairement les pères et mères à louer avec beaucoup d'exagération les puérilités que leurs enfants font ou disent, car la tendre affection qu'ils ont pour eux explique tout cela. Or, bien que Saint Joseph ne fût pas père naturel de l'enfant Dieu, mais père putatif, l'amour qu'il lui portait surpassait néanmoins sans comparaison celui que les pères naturels ont jamais eu pour leurs enfants, parce que la grâce, et même la nature furent plus puissantes en lui que dans les autres et qu'en tous les pères ensemble. Et c'est par cet amour et par l'estime qu'il faisait d'être père putatif de l'enfant Jésus que l'on doit mesurer la joie dont son âme très pure fut comblée lorsqu'il entendit que le Fils du Père éternel l'appelait Père, lorsqu'il le vit entre les bras de sa mère, si beau, si rempli de grâce, et commençant à lui parler avec tant de sagesse. L'amoureuse mère avait tenu l'enfant Dieu dans le maillot pendant toute cette première année, comme il arrive aux autres enfants, parce que cet adorable Seigneur ne voulut point se distinguer à cet égard, en témoignage de sa réelle humanité, aussi bien que de l'amour qu'il portait aux mortels, pour qui il souffrait cette incommodité, dont il eût pu se délivrer. La très prudente mère, jugeant que le moment était venu de le débarrasser de ses langes, de l'habiller et de lui apprendre à marcher, c'est ainsi que nous parlons, s'agenouilla devant le divin enfant, alors couché dans son berceau, et lui dit « Mon fils, très doux amour de mon âme, mon Seigneur, je désire, en qualité de votre servante, de vous plaire en toutes choses. Vous êtes resté assez longtemps, lumière de mes yeux, lié et enveloppé dans vos langes, et par là vous avez découvert le grand amour que vous avez pour les hommes, il faut enfin que vous en sortiez. Dites-moi, mon divin maître, comment vous voulez que je me comporte dans cette occasion ?» Ma mère, répondit l'enfant Jésus, les liens de mon enfance ne m'ont point paru incommodes, à cause de l'amour que je porte aux âmes que j'ai créées, et que je viens racheter, puisque dans mon âge mûr, je dois être pris, attaché et livré à mes ennemis, et même à la mort pour eux, Matthieu 20, 18. Et ce souvenir m'étant doux en vue du bon plaisir de mon Père éternel, Hébreux 10, 7, tout le reste me sera facile. Je ne dois avoir qu'un vêtement en ce monde, parce que je ne veux user que de celui qui sera nécessaire pour me couvrir, quoique tout ce qui est créé soit à moi, psaume 23, 1, mais je l'ai remis aux hommes, afin qu'ils me dussent davantage, et pour leur enseigner comment, à mon exemple et pour mon amour, ils doivent renoncer à tout ce qui est superflu à la vie naturelle. Vous m'habillerez, ma mère, d'une tunique longue, et vous la choisirez d'une couleur commune. Je ne porterai que celle-là, et elle croîtra avec moi, et ce sera cette tunique qu'on tirera au sort à l'heure de ma mort, psaume 21, 19, car elle ne doit pas même être à ma disposition, mais à celle des autres, afin que les hommes sachent que je suis né, et que je veux vivre pauvre et dépouillé des choses visibles, qui étant terrestre, apesantissent le cœur de l'homme. Dès l'instant que je fus conçu dans votre sein virginal, je fis cette renonciation à tout ce que le monde renferme, quoique tout m'appartienne par l'union de ma nature humaine à la personne divine, Jean 3, 35. Et je ne voulus avoir d'autre droit sur les choses visibles que celui de les offrir toutes à mon Père éternel, y renonçant pour son amour, et n'en acceptant que ce que la vie naturelle exige, pour la consacrer ensuite aux hommes, Jean 10, 15. Je veux par cet exemple corriger le monde, et lui apprendre à aimer la pauvreté, loin de la mépriser, car il sera honteux pour ceux qui me connaîtront par la foi de convoiter les choses dont j'ai enseigné le mépris, lorsque moi, qui suis le Seigneur de tout, j'ai tout dédaigné et tout abandonné. Ces paroles de l'enfant Dieu produisirent des effets divers et également ineffables en la divine mère, parce que la perspective des liens et de la mort de son adorable fils transperça son cœur si sensible et si compatissant, et que l'exemple d'une pauvreté si extrême et d'un si austère dénuement, lui inspira une nouvelle admiration et de nouvelles résolutions de l'imiter. L'amour immense que ce divin Seigneur portait aux mortels redoubla les désirs qu'elle avait de lui en témoigner sa reconnaissance pour tous, et elle fit à cette occasion des actes héroïques de toutes sortes de vertus. Mais sachant que l'enfant Jésus ne voulait pour vêtement que cette tunique, et qu'il ne voulait pas être chaussé, elle lui dit, « Mon fils et mon Seigneur, votre mère n'aura ni le cœur ni le courage de vous laisser aller à nu-pieds dans un âge si tendre. Permettez, mon amour, que je vous mette quelques chaussures. Je prévois aussi que le vêtement grossier que vous me demandez, sans vouloir user de linge en dessous, incommodera beaucoup votre chair délicate, surtout à votre âge. » L'enfant Jésus lui répondit, « Ma mère, je consens que vous me mettiez quelques pauvres chaussures, jusqu'à ce que le temps de ma prédication arrive, car je la dois faire nu-pied. Mais je ne veux point porter de linge, parce que le linge provoque les hommes à commettre beaucoup de péchés, et parce que je veux donner l'exemple à une foule de mes serviteurs, qui renonceront à mon imitation et pour mon amour. » La reine du ciel employa incontinent tous ses soins pour accomplir la volonté de son très saint fils, et ayant trouvé de la laine qu'on n'avait ni préparée ni teinte, elle-même la fila fort délicatement, et en fit une petite tunique tout d'une pièce, sans couture, et à peu près comme les bas que l'on fabrique au métier. Elle n'était pas lisse comme le drap ordinaire, mais un peu velue et cordonnée. Elle la confectionna sur un petit métier qui avait quelque rapport avec ceux des dentellières, et ce n'est pas sans mystère que cette tunique fut faite tout d'une pièce et sans couture. Il lui arriva deux choses miraculeuses, l'une, qu'elle sortit du métier absolument égale et sans aucun pli, l'autre, qu'elle perdit sa couleur naturelle à la prière de notre divine dame et selon sa volonté, pour prendre une autre couleur qui tirait sur le violet et l'argentine, mais avec une nuance toute particulière et mixte qu'on aurait su déterminer, car elle ne paraissait proprement ni violette, ni argentine, ni grise, et cependant elle rappelait ces trois couleurs. Notre auguste princesse fit aussi des sandales d'un fil assez fort, qu'elle mit aux pieds de l'enfant Dieu. En outre, elle fit une demi-tunique de toile qui devait lui servir de caleçon. Je dirai au chapitre suivant ce qui arriva lorsqu'on habilla l'enfant Jésus. Alors survinrent les anniversaires de l'incarnation et de la nativité du Verbe, chacun à sa date, depuis l'arrivée de la Sainte Famille en Égypte, et la Reine du Ciel, voulant célébrer ces jours si solennels, commença à les fêter dès la première année, et conserva cette sainte coutume pendant toute sa vie, comme on le verra dans la troisième partie, où je raconterai les mystères qui se succédèrent plus tard. Elle célébrait celui de l'incarnation en s'y préparant 9 jours auparavant par de très saints exercices en mémoire de la neuvaine dans laquelle le Seigneur la disposa à cet adorable mystère par des faveurs admirables et très sublimes, comme je l'ai dit au commencement de cette seconde partie. Le jour qui répondait à celui de l'incarnation et de l'annonciation étant arrivé, elle conviait les anges qui étaient dans le ciel à s'unir avec ceux de sa garde, pour l'aider à célébrer ces magnifiques mystères, et à rendre de dignes actions de grâce au Très-Haut. Et prosternée les bras en croix, elle pria l'enfant Jésus de louer le Père éternel pour elle, et de le remercier des faveurs qu'elle avait reçues de sa divine droite, et de ce qu'il avait fait pour le genre humain en lui donnant son Fils unique. Jean 3, 16. Elle faisait la même chose lorsque venait l'anniversaire de ses couches. Dans ces jours-là, notre divine dame était comblée des faveurs du Très-Haut, à cause qu'elle y renouvelait la mémoire et la reconnaissance continuelle de si haut mystère. Et comme elle savait ce qui plaisait au Père éternel, et que le sacrifice de douleur qu'elle offrait en reproduisant dans ses membres la forme de la croix, lui était agréable en souvenir de ce que le divin agneau y devait être cloué. Elle répétait cet exercice dans toutes les fêtes qu'elle célébrait, priant le Seigneur d'apaiser sa justice, et de couvrir les pécheurs de sa miséricorde. De sorte qu'enflammée du feu de la charité, elle terminait ses solennités par des cantiques admirables, qu'elle disait avec les anges, qui formaient un chœur d'une musique céleste, cantique 2, 24. Mais notre auguste reine leur répondait avec plus de douceur, et d'une manière plus agréable pour Dieu que tous les cœurs des séraphins et des bienheureux ensembles n'auraient su faire. Parce que les échos de ces excellentes vertus résonnaient jusque dans le consistoire de la très sainte Trinité, et jusqu'au tribunal de l'être éternel de Dieu. Instruction que notre auguste maîtresse me donna. Ma fille, ni vous ni toutes les créatures ensemble, ne sauriez comprendre parfaitement quel fut l'esprit de pauvreté de mon très saint fils, ni celui qu'il m'enseigna. Mais vous pouvez, par les choses que je vous ai découvertes, vous faire une idée assez juste de l'excellence de cette vertu, qui fut tant aimée de celui qui en était l'auteur et le maître, et en même temps de l'horreur qu'il eut pour le vice de la cupidité. Le Créateur ne pouvait pas haïr les choses auxquelles il avait donné l'être, Sagesse 11, 25, mais il vit par sa sagesse infinie le grand dommage que causerait aux mortels l'affection désordonnée qu'il porte aux choses visibles, et que cet amour insensé pervertirait la plus grande partie du genre humain. Ainsi l'aversion qu'il eut pour les biens de la terre naquit de la connaissance qu'il avait du nombre des pécheurs et des réprouvés que ce vice perdrait. Mon très saint fils choisit la pauvreté, et l'enseigna par ses paroles et par l'exemple d'un dénuement si admirable, pour empêcher ce dommage et pour y apporter quelques remèdes, et afin de justifier sa cause, si les mortels n'en profitaient pas. Puisque, en médecin charitable, il leur a préparé le remède qui devait leur procurer la santé. J'ai enseigné et pratiqué cette doctrine pendant toute ma vie, c'est par elle que les apôtres ont établi l'Église, les patriarches et les saints qui l'ont réformée et qui la soutiennent ont fait la même chose, parce qu'ils ont tous aimé la pauvreté, comme le moyen le plus efficace d'acquérir la sainteté, et ils ont eu de l'horreur pour les richesses, comme principe de tous les maux et racine de tous les vices, Timothée 6, 10. Je veux que vous chérissiez et que vous recherchiez cette pauvreté avec beaucoup de soin, parce qu'elle est l'ornement des épouses de mon très saint fils, à défaut duquel je vous assure, ma fille, qu'il les répudie comme lui étant horriblement dissemblable, car l'épouse qui est riche et dans l'abondance de choses superflues ne saurait convenir à l'époux, qui est très pauvre et dénué de tout. Un amour réciproque ne comporte point une si grande inégalité. Et si, en fille légitime, vous voulez parfaitement m'imiter, ainsi que vous le devez faire, autant que vos forces vous le permettront, vous devez comprendre que moi, qui ai été si pauvre, je ne vous reconnaîtrai pas pour ma fille, si vous n'êtes pauvre aussi, et que je n'aimerai pas en vous ce que j'ai rejeté avec tant de mépris. Je vous recommande encore de ne point oublier les bienfaits que vous recevez de la main libérale du Très-Haut, car si vous ne veillez très attentivement à ce culte de la reconnaissance, vous tomberez facilement dans le plus grossier oubli, entraîné par le poids de la propre nature. Renouvelez plusieurs fois chaque jour le souvenir de ses bienfaits, et ne cessez jamais de rendre au Seigneur d'humbles et amoureuses actions de grâce, et sachez que ce que vous devez vous remémorer le plus souvent, c'est de vous avoir appelé et attendu, d'avoir dissimulé vos fautes avec tant de bonté, et surtout de vous avoir fait tant de faveurs extraordinaires. Ce souvenir produira dans votre cœur de doux effets d'amour et de fortes impulsions, qui vous porteront à travailler avec diligence, de sorte que par ce moyen vous vous rendrez agréable au Seigneur, et vous acquérez une nouvelle récompense. Parce qu'il se complaît singulièrement en la fidélité et en la reconnaissance de l'âme, et au contraire il est fort offensé quand ses bienfaits ne sont ni estimés ni reconnus, car, comme il les accorde avec plénitude d'amour, Il veut qu'on y corresponde avec un prompt et amour retour. Extrait du livre 4e, tome 3, Pusselgerus en 1857. Markemdanarchiv.org 2023, d'après Books Google FR et Archive.org. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.